les amours. Le petit raciste audiovisuel. Y'a du Le Pen dans les basses-cours, du maréchal dans les gamelles. Tous les nazis sont au balcon, ils assassinent les réfugiés. Le Pen en fils de la nation, au rayon des supermarchés. Seigneur Macron crache son venin, enfant gâté de la finance. Pas de pitié pour les vauriens, on casse du pauvre, c'est ça la France. Un film qu'elle croque le pénisé, pour un mépris académique. Envers nos frères les immigrés, c'est le racisme philosophique. Radio, on sert la soupe. À la télé, c'est tapis rouge. Tous les fachos, on le vend en poupe. Ils tirent un peu sur tout ce qui bouge. C'est le repli identitaire du bleu, blanc, rouge revendiqué. Le président fait des affaires. Le cul au chaud à l'Elysée. J'ai le Zemmour en désamour. Le petit raciste audiovisuel. Y'a du Le Pen dans les basses-cours, du maréchal dans les gamelles. Tous les nazis sont au balcon, ils assassinent les réfugiés. Le Pen en fils de la nation.